Pour lui, c'était la perle de l'Afrique, l'Ouganda. Ainsi parlait Winston Churchill au début du XXe siècle lors d'une tournée dans les colonies britanniques. Un territoire aux paysages variés qui produisait à foison du café, du tabac, du coton. C'est pourtant ce même pays de cocagne qui a connu depuis l'indépendance les pires calamités. Dictature, guerre civile, déchirement ethnique, famine, sécheresse, pandémie de sida. Et encore aujourd'hui, une rébellion mystico-guerrière unique en Afrique qui multiplie les exactions contre les populations du Nord. Cependant, en dépit de tous ces malheurs, l'Ouganda est désormais la principale puissance économique et politique de l'Est africain. Un État influent qui, sous la férule vigoureuse du président Museveni, maître du pays depuis 20 ans, se modernise à grands pas et se singularise au cœur de cette région des Grands Lacs qui a connu et connaît encore tant de difficultés. Monsieur X a donc choisi cette semaine de revisiter l'histoire de ce pays qui a suscité l'intérêt et les convoitises de nombreux États étrangers. La Grande-Bretagne, bien sûr, mais aussi Israël, le Soudan et aujourd'hui les États-Unis. Enfin, il ne faut pas oublier que l'Ouganda est le pays d'Idi Amin Dada, une caricature de dictateur africain, le cancer de l'Afrique, selon l'un de ses biographes, un personnage grotesque, c'est certain, et qui a nourri durablement le racisme anti-africain des Occidentaux. Mais, on l'oublie trop facilement, Amin Dada était aussi un pur produit de la colonisation. C'est difficilement imaginable, mais aujourd'hui encore une partie du nord de l'Ouganda subit le terrorisme d'un chef exalté et sanguinaire qui se prend pour un prophète. Un nouveau messie. Oui, c'est ce Joseph Kony. Oui, un illuminé qui, pour grossir les rangs de son armée, n'hésite pas à faire enlever des enfants, des garçons soumis à une propagande échevelée et contraints de commettre des assassinats avant d'être enrôlés, deviennent des soldats, tandis que les filles servent d'esclaves sexuels. Mais je vous propose de consacrer un prochain entretien à cette folie meurtrière qui a déjà provoqué la mort de dizaines de milliers d'Ougandais et obliger des centaines de milliers d'autres à fuir leur village. Et d'après les témoignages que j'ai lus, c'est une rébellion unique en Afrique. Et même dans le monde entier, à l'exception peut-être du sentier lumineux péruvien. À la seule différence que là-bas, la dévotion au chef était légitimée par un pseudo-marxisme. Mais pas par la religion. Et c'est exact, oui. Il n'y a peut-être pas de différence, au fond. Je ne sais pas, mais enfin, je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour la semaine prochaine. Alors, l'histoire de l'Ouganda. Bon, rassurez-vous, je ne vais pas remonter trop loin. C'est en 1893 que le territoire devient un protectorat britannique. La Grande-Bretagne qui se constitue au fil des ans, un véritable empire dans l'Est africain. Du nord au sud, c'est-à-dire de l'Égypte à l'Afrique du Sud. Seul le Mozambique portugais a échappé à cette tutelle anglo-saxonne. Il faut quand même souligner que cette colonisation ne s'est pas toujours très bien passée. Des rébellions. Naturellement, il a fallu très souvent utiliser la force. C'est à cet effet qu'a été créée une unité militaire composée de mercenaires, le King's African Rifle. Des mercenaires de quelle origine hein? Oh, de Tanzanie, du Kenya et d'Ouganda. Et puis quand il fallait réprimer, eh bien on envoyait sur le terrain des soldats appartenant à des ethnies étrangères au pays. Et en Ouganda, eh bien la Grande-Bretagne, comme elle l'a fait dans de nombreuses colonies qu'elle a soumises, a naturellement divisé pour mieux régner. C'était le cas, on connaît de la plupart des colonisateurs qui ont joué des dissensions ethniques pour s'imposer. Bon, je vous l'accorde. Les exemples les plus caricaturaux étant ceux du Burundi et du Rwanda, où les Belges ont sciemment créé la rivalité entre Hutu et Tutsi. Et la France n'a pas agi autrement dans d'autres pays africains. Alors, l'Ouganda, Londres s'est d'abord appuyé sur les populations du sud et du centre. Pourquoi celle-là? Parce que les Britanniques les jugeaient plus développés, plus éduqués, comme les Blancs le disent en Afrique, et aussi plus facilement accessibles à la christianisation. Il ne faut pas oublier que dans toutes ces guerres coloniales, le missionnaire ne se trouvait jamais bien loin du militaire. En tout cas, ce sont ces ethnies du sud et du centre qui ont bénéficié de l'attention toute particulière des autorités britanniques et donc d'une relative prospérité. Mais le colonisateur s'est très vite rendu compte qu'il y avait danger. Danger, expliqué. L'influence de ces ethnies, surtout celle des Baganda, devenait excessive. Et pour la contrer, les Britanniques ont décidé de faire appel à des indigènes des tribus du Nord. Non. Pour en faire quoi? Des soldats. Les conceptions racistes de l'époque attribuaient aux gens du Nord des qualités martiales. Bref, ces types étaient censés faire d'excellents hommes de troupes. Autre avantage, moins instruits que leurs compatriotes du Sud, ils étaient par conséquent beaucoup plus malléables. Ah oui, je comprends. Et c'est ainsi qu'on va retrouver dans le King's African Rifle nombre de Nubiens, comme on les appelait, des gens costauds, fidèles et qui sont réputés pour leur cruauté. Nubiens, ils sont vraiment originaires de Nubie. Non, mais originaires des territoires proches du Nil, au nord de l'Ouganda. Ils leur sont apparentés. C'est par exemple le cas d'Idi Amin Dada, né dans une petite région musulmane située au nord-ouest du pays et appartenant à la tribu des Kakwas. Ce sont donc ces redoutables soldats, le plus souvent analphabètes, encadrés par des sous-officiers et des officiers exclusivement blancs, bien sûr, et qui vont faire le sale boulot à chaque fois que ça sera nécessaire. Ouais, la répression, vous voulez dire. Bien entendu. Ils interviendront pour mater les révoltes ethniques. Et ce sont eux, en particulier, qui vont lutter au Kenya contre la rébellion des Maumau dans les années 50. Et parmi eux, il y aura Amin Dada qui fera là ses premières armes. La Grande-Bretagne, si je vous ai bien compris, joue donc en permanence la carte ethnique. Il est évident que cette politique d'ethnicisation ne préparera pas l'Ouganda à devenir un pays uni lorsque l'indépendance interviendra. Car les guerres ethniques auront obligatoirement laissé des traces. Et quand l'indépendance intervient-elle alors ? En 1962. Ah. Et les Britanniques, avant de laisser les Ougandais voler de leurs propres ailes, leur ont laissé une étrange constitution. En principe, le pays est fédéral. Mais toutes les régions n'ont pas le statut d'État fédéral. Et puis surtout, l'ethnie dominante, Baganda, parce que la plus riche, est en principe dirigée par un roi. Mais la réalité du pouvoir appartient à un premier ministre, Milton Obote. Oh là là, et lui, il règne sur tout le pays hein? Ah ben, c'est le véritable chef, en effet. Cependant, il est évident que ce système bâtard ne pourra pas durer bien longtemps. Alors un mot quand même, qui est ce Milton Obote là? Oh, c'est un instituteur d'origine du Nord qui a créé l'UPC, c'est-à-dire l'Union du Peuple Ougandais. Un type qui ne tardera pas à révéler son vrai caractère. Vaniteux, sans scrupules, il tournera vite au dictateur. Mais dès 1964, il doit affronter sa première épreuve importante. Ses militaires, comme leurs homologues de Tanzanie et du Kenya, se révoltent. Dans ces deux derniers pays, les dirigeants en place font appel à l'ancien colonisateur pour rétablir l'ordre. Mais pas Obote. Lui, il préfère donner satisfaction aux militaires qui lui demandent essentiellement une augmentation de leurs soldes. Et ça suffit pour les calmer ? Oui, mais ça a une grave conséquence. En cédant aussi facilement, il devient dépendant de l'armée. Une armée qui est de plus en plus exigeante et dont les effectifs vont aller grossissant. En 1964, elle ne comptait que 2000 hommes. 6 ans plus tard, il y aura 4 fois plus de militaires. Et c'est le début d'une militarisation qui ne s'arrêtera plus, puisque aujourd'hui, l'armée ougandaise est forte de 100 000 hommes. Ah oui, ça compte. Hein. Et Obote, alors, dictateur en herbe, avez-vous dit, s'appuie donc sur l'armée. Et sur un certain Idi Amin Dada, un musulman du Nord qui, de simple sergent, va devenir colonel et bientôt chef d'état-major. Le patron de l'armée, donc. Effectivement. Et c'est lui qui est à l'origine de cette intense campagne de recrutement. Un recrutement qui se fait en priorité dans les ethnies du Nord, bien sûr, au détriment de celles du Sud et du Centre. Ouais, chez lui, donc. L'armée est donc nordiste. Essentiellement, oui. Et comme avant l'indépendance, elle est d'abord chargée de réprimer et de mettre au pas les opposants. Un seul exemple. En 1966, Obote fomente un coup d'État, chasse le roi du Buganda qui va aller mourir à Londres. En même temps, cet apprenti dictateur s'octroie le titre de président. Aussitôt, la population du Buganda, mécontente d'avoir perdu son souverain, se soulève. Il s'ensuit une violente répression à laquelle Amin Dada prend une part très active. Mais je pourrais citer d'autres exemples tout aussi terribles. Ouais, aussi terribles. Idi Amin Dada devient donc un personnage incontournable en Ouganda. Et d'autant qu'il truffe l'armée de militaires qui lui sont d'abord fidèles avant d'obéir au gouvernement de Milton Obote. Et ça... Il doit finir par inquiéter ce dernier, bah forcément. Mais avant de voir cela de plus près, il faut dire qu'Obote n'est pas le seul à s'inquiéter. Bah, qui d'autre, alors? Bah, les puissances occidentales. Quoi, c'est Amin Dada qui les inquiète? Non, Obote lui-même. Ou alors, c'est compliqué, là. Pourquoi? Bon, regardez une carte de l'Afrique. L'Ouganda occupe une position stratégique. Aux sources du Nil et au sud du Soudan, le pays est à la frontière de deux mondes, l'islam au nord et le christianisme au sud. Il y a quand même des chrétiens au sud du Soudan. Hein. Oui, c'est exact. Des chrétiens qui vont très longtemps être en conflit avec leurs compatriotes du nord. Oui, jusqu'au début des années 2000. Hein. En effet, oui. Cette rébellion des sudistes soudanais va forcément rejaillir sur l'histoire de l'Ouganda. Mais enfin, n'allons quand même pas trop vite. Il y avait longtemps. Écoutez, je ne relève même pas. Bon, d'autre part, l'Ouganda voisine avec le richissime Congo. Et personne ne peut se désintéresser d'un pays aussi tourmenté, mais qui possède un vrai trésor dans son sous-sol. Oui, un trésor minier. Mmh. D'accord, mais alors les inquiétudes de l'Occident. Obote, après avoir chassé le roi du Buganda, semblait vouloir se rapprocher du camp de l'Est et adopter des réformes socialistes. Tout ça, c'était inacceptable pour Washington. Et puis, il y avait Israël. Que vient faire Israël dans cette affaire? Les dirigeants hébreux surveillaient de très près ce qui se passait en Afrique. Et en particulier dans ces pays islamiques, l'Égypte et Soudan, qui étaient susceptibles de nuire à leurs intérêts. Et ils avaient déjà opéré une vraie percée à la fois diplomatique et économique en Ouganda. Quoi, à cause de sa proximité avec le Soudan musulman? Ah, bien sûr. C'est allé si loin que des militaires ougandais sont allés s'entraîner en Israël. Idi Amin Dada, par exemple, qui a fait un stage de parachutisme. Et lorsque le président Obote a commencé à inquiéter, les Israéliens et leurs alliés états-uniens ont presque naturellement songé à Amin Dada. Qui était vraiment Idi Amin Dada? Après sa mort en 2003, l'Express, sous la signature de Michel Faure, raconte ses premières années. Il était né entre 1925 et 1928, nul ne sait précisément la date de sa naissance, dans une région proche de l'ancien Zaïre et du Soudan. C'est un endroit aride et désolé, où l'on pose des pierres sur les collines pour attirer la pluie. Les guerriers du coin, avant les combats, prenaient une drogue hallucinogène tirée d'une plante locale, une fleur appelée kamyojou. Boire son infusion était censé protéger des balles de fusil. Amin était ce que les Ougandais des autres régions appellent un Nubien, un terme impropre, mais qui désigne là-bas un type du Nord d'origine nilotique et généralement musulman à la peau très noire. Son père était un Kakwa et sa mère une Lugbara, deux tribus voisines sur la rive ouest du Grand Fleuve. La mère, séparée du père alors qu'Amin était encore enfant, était connue comme sorcière. Elle suscitait l'inquiétude, sinon le respect. Elle s'établit avec son fils dans une ville de garnison à Jinja. Ce garçon, Idi Amin, qui vient d'un monde de peur, de mystère, de magie, de violence, de chaos, d'errance, rejoint le King's African Rifles en tant qu'aide cuisinier. Le voilà soudain plongé dans un autre univers où règnent l'ordre et les certitudes, les règles et la discipline, celui d'un régime colonial britannique. Il est bien nourri, bien vêtu, marche au pas, une bonne recrue, enthousiaste, bien qu'indiscipliné et maîtrisant mal l'anglais. Il est grand et fort, zélé, et il quitte vite les fourneaux pour devenir un vrai soldat dans les années 50, quand il va réprimer sans état d'âme la révolte des Maomo au Kenya. Il met également au pas, vers la même période, les Karamajong, un peuple d'éleveurs de bétail qui vivent grands, maigres et nus près de la frontière nord avec le Kenya. Il doit les désarmer. Sa méthode est simple. Il fait se tenir debout les pasteurs, le sexe posé sur une table. Amin, armé d'une machette, menace de les châtrer s'ils ne révèlent pas leur cache d'armes. Donc si je vous ai bien compris, en Israël, on pense très sérieusement à aider Idi Amin Dada. Oui, à tout faire pour qu'il succède à Obote. Sans toutefois rompre officiellement avec ce dernier. Alors, c'est le double jeu. Bah, évidemment. Pourtant, Amin Dada est musulman, non ? Certes, mais au cours de son entraînement en Israël, il n'a donné aucun signe d'hostilité, bien au contraire. Et est-ce que Milton Obote, là, a pris conscience du danger que représentait pour lui Amin Dada ? C'est certain. Et il se méfie d'autant plus qu'en 1969, il échappe à une première tentative d'assassinat. Commandité par Amin Dada ? Écoutez, ça, je ne sais pas, mais ce dernier se comporte exactement comme s'il avait été coupable. Ah, c'est-à-dire Eh bien, dès qu'il apprend que cette tentative a échoué, il fuit et il se cache. Ah oui, alors comme s'il s'attendait à être arrêté. Oui, enfin, en tout cas, ça y ressemble, oui. T'as donc pas tout à fait la conscience tranquille. C'est ce qui vient tout de suite à l'esprit. Mais il lui dira plus tard que s'il a fui, c'est qu'il craignait lui-même d'être tué. une version qui ne convainc guère. Et le numéro 2 de l'armée n'hésite pas à l'accuser de complot. Pour son malheur, car quelques jours plus tard, il est assassiné à son domicile. Liquidé par Mindanao ? C'est probable. Et comment réagit Obote ? Il n'ose pas s'attaquer directement au chef d'état-major de son armée. Mais il se débrouille pour renforcer le poids de sa propre ethnie au sein de cette armée. Et surtout, il demande à Israël de l'aider à former une garde présidentielle. Pour assurer sa sécurité, quoi. Mm-hmm. Mais en même temps, m'avez-vous dit, Israël mise aussi sur la carte Idi Amin Dada. La position d'Obote devient donc de plus en plus fragile. En septembre 1970, il est victime d'une deuxième tentative d'assassinat et cherche par tous les moyens à éloigner Amin Dada, en lui suggérant par exemple de faire un pèlerinage à la Mecque. Et ce dernier suit ce conseil. Enfin, il ne tarde pas à revenir dans son pays. Obote est furieux et il est bien décidé à régler au plus tôt le cas Amin Dada. Mais comment là ? Pour le faisant arrêter et vraisemblablement assassiné. Mais Obote commet alors une erreur fatale. Au début 1971, il se rend à Singapour pour participer à une conférence du Commonwealth. Et Idi Amin Dada va profiter de son absence. D'autant plus qu'il n'ignore pas les menaces qui pèsent sur lui. Il s'empare du pouvoir, donc. Le plus tranquillement du monde, et dans la liesse, tellement la population ne supportait plus la dictature mise peu à peu en place par Obote. Et le premier geste d'Idi Amin Dada, nouveau numéro 1 de l'Ouganda, est justement de libérer les prisonniers politiques. En même temps, comme tous les militaires qui s'emparent du pouvoir, il promet la tenue d'élections. Oui, ça, c'est pas extraordinaire. Et à l'étranger, alors, quels sont les commentaires ? Ils sont généralement favorables. Big Daddy, comme on le surnomme dans la presse anglo-saxonne, bénéficie tout de suite d'un préjugé favorable. Il faut dire que, dans son pays même, Amin Dada est très populaire. Malgré les exactions auxquelles il s'est livré lors des répressions ethniques ? Oui, aussi étonnant que cela paraisse. Car personne n'a oublié que ce colosse a aussi été un champion de boxe. Mais le vernis ne va pas tarder à s'écailler. Malgré ses premiers préjugés favorables, on va découvrir qui est vraiment Idi Amin Dada. D'abord, pas moins vaniteux que l'homme qui l'a chassé et qui s'est réfugié en Tanzanie, il s'auto-promeut général, puis un peu plus tard maréchal et président à vie. En outre, il se décerne des médailles pour des victoires militaires fictives. Et plus sérieusement, il fait assassiner les officiers qui étaient proches de Milton Obote. Quoi, des purges alors ? Oui, et elles sont nombreuses. Dans l'armée, bien sûr, où il éminera systématiquement ses ennemis ethniques. Et aussi dans le monde politique. Il ne fait pas bon lui résister, ou même d'être soupçonné de lui être hostile. Mais là, c'est... Je vous interroge là plus profondément. Qui était-il vraiment ? Était-ce réellement le bouffon sanguinaire qu'on a présenté ? Et qui jetait ses opposants au crocodile ? Écoutez, je ne vais pas défendre ici la mémoire d'Amin Dada qui a fait périr des milliers de ses concitoyens, et peut-être même des dizaines de milliers, mais je crois aussi que chez nous, en Occident, on a sciemment caricaturé le président ougandais. D'abord à cause d'un sentiment de culpabilité. Ce sont les puissances occidentales et Israël qui lui ont permis d'accéder au pouvoir. Et puis ensuite, il ne faut pas se voiler la face, il y avait aussi l'expression d'un racisme diffus. Vous voulez dire qu'en faisant d'Idi Amin Dada un personnage grotesque, on se moquait de tous les dirigeants africains ? Et des Africains en général, oui. Ces grands enfants qui deviennent des monstres dès qu'ils ont une machette à la main. Or, il faut toujours avoir à l'esprit qu'Amin Dada est d'abord une créature de l'armée britannique. C'est dans les rangs du King's African Rifle qu'on lui a appris à tuer. Et puis n'oublions pas que pendant longtemps, à l'Ouest, on a préféré ne pas savoir. Quoi, les violences, la tyrannie ? En effet, même en France. Un seul exemple. Vous avez certainement vu le documentaire du cinéaste Barbet Schroeder. Un autoportrait d'Idi Amin Dada, pour reprendre le titre du film. Et en même temps, une charge terrible contre le dictateur. Dans la version originale, le cinéaste avait inséré des scènes de tuerie. Eh bien, en France, ces images ont été supprimées lors de la diffusion en salle. Mais par qui, là ? Par les autorités françaises, à la demande d'Amin Dada. Alors, on a donc voulu lui faire plaisir ? Alors, à Londres, le film a été montré sans aucune coupure. Autre observation. Si à l'Ouest, Idi Amin Dada était présenté comme un monstre... Il était quand même, enfin, faut pas exagérer, là. Bon, je vous l'accorde. Mais en Afrique et dans les pays arabes, après sa rupture avec Israël, il est devenu un champion des causes du tiers-monde. Et on a passé sous silence les exactions. C'est la vérité, oui. Et comment ne pas comprendre ? Lorsqu'il organise une quête en Ouganda pour venir en aide aux Britanniques en proie à des difficultés économiques, ou encore lorsqu'il se fait transporter en chaise portée par 4 diplomates blancs, toute l'Afrique s'esclave. Et c'est la revanche du colonisé sur le colonisateur. C'est évident. Et d'une certaine façon, il exprime la fierté africaine. Étonnez, je vais aller encore plus loin. Pourquoi, après avoir longtemps pris soin de ne pas critiquer le dirigeant ougandais, ni même de le contrarier, les puissances occidentales vont soudain l'accuser des pires infamies ? Que je ne nie pas, hein, encore une fois, mais eh bien, le changement d'attitude intervient après qu'Idi Amin Dada a noué des relations très cordiales avec le colonel Kadhafi. Ah oui, alors c'est pire que de massacrer ses concitoyens. Ah ben c'est la stricte vérité. À partir de ce moment, Amin Dada devient un clown sanguinaire, un bourreau infréquentable dont il faudra tôt ou tard se débarrasser. Gérard Prunier, spécialiste de l'Est africain, a coordonné l'écriture d'un ouvrage collectif sur l'Ouganda, paru aux éditions Cartala. Et il conforte la thèse de M. X. Il observe d'abord que dans les premiers temps, Idi Amin Dada est le bon élève de l'Occident. Sur le plan de la politique étrangère, il allait presque trop loin dans son désir de plaire en revenant sur la politique obotiste. Il s'était rendu en visite d'État en Israël peu après le putsch, promettant d'ouvrir une ambassade à Tel Aviv. Il avait fait le tour des capitales occidentales et avait annoncé son désir de dialoguer avec l'Afrique du Sud, expliquant qu'il n'était désormais plus question de quitter le Commonwealth à propos des ventes d'armes britanniques à Pretoria. Mais peu à peu, écrit encore Prunier, la question de la violence se posait avec de plus en plus d'insistance. De fait, celle-ci avait commencé dès le coup d'État avec les assassinats d'un certain nombre d'officiers et de politiciens fidèles à Obote. Les ambassades occidentales arguèrent qu'il s'agissait d'une répression regrettable, mais liée au changement de régime. Et ce, malgré l'assassinat de journalistes américains en juillet 1971, alors qu'ils tentaient d'éclaircir des rumeurs de massacres dans une caserne. Par contre, les massacres, qui se déroulèrent en juin-juillet 1971, puis à nouveau en février 1972, ne pouvaient passer pour autre chose que pour la liquidation de sang-froid des éléments Longhi et Acholi de l'armée. Les puissances occidentales refusèrent de s'en inquiéter. Il allait falloir le renversement complet de la politique étrangère du nouveau dictateur pour que son comportement domestique soit soudainement perçu d'une toute autre manière. En fait, je suis persuadé qu'Idi Amin Dada n'avait aucune conviction politique. Ben, il allait là où le vent le portait, c'est-à-dire qu'il épousait la cause de celui qui lui donnait des subsides ou lui procurait des armes. Or, depuis quelque temps, les Israéliens ouvraient moins facilement les cordons de leur bourse. Ah, et ce dont a immédiatement profité le colonel Kadhafi. C'est ça. Ouais. Idi Amin Dada, invité à Tripoli, est reçu comme un héros. Et Kadhafi lui promet une aide substantielle. Bah, il n'en faut donc pas plus pour que le dictateur ougandais tourne Kazakh. En un tournement, Amin Dada oublie son alliance traditionnelle avec Israël et va même chasser tous les Israéliens présents en Ouganda. Ce brusque changement de politique s'accompagne évidemment de déclarations incendiaires contre le sionisme, voire carrément antisémites. Les pro-palestiniennes. Ah bah forcément, oui. Ouais. Et si je me souviens bien du film de Barbet Schroeder, il a filmé une scène de manœuvre militaire, hein, une répétition assez ridicule de ce qui aurait dû être la reconquête du plateau du Golan par l'armée ougandaise. Oui, oui, je me souviens aussi. Amin Dada avait promis aux Syriens de les aider à chasser Tsahal du Golan. Alors, était-ce du délire ? Difficile à dire avec Amin Dada, car si l'homme était incontestablement paranoïaque, il était aussi rusé. Alors, il se moquait du monde, comme on dit familièrement. Ben pourquoi pas ? Mais après coup, on rit jaune, surtout quand on le voit parler avec affection de ses chers crocodiles. Des animaux très bien nourris. Malheureusement, oui. Mais je suis sûr qu'on a beaucoup exagéré. Par exemple, on a prétendu qu'il était cannibale, sans aucune preuve. Et je vous rappelle que Bokassa, lui aussi, était victime de ce genre de rumeur. Ouais, les cadavres d'enfants prétendument trouvés dans les congélateurs de son palais. Oui, ouais. Il fallait alors justifier l'opération de nos paras qui l'ont chassé du pouvoir. Et c'est une vieille histoire. Les Romains n'ont-ils pas accusé les Carthaginois de procéder à des sacrifices humains ? Ce dont les historiens d'aujourd'hui doutent fortement. Enfin, je m'éloigne un peu, ouais, peut-être. Là. Beaucoup, là. Bon, alors j'enchaîne. Tout de suite après la rupture avec Israël, Amin Dada prend une funeste décision qui va ruiner l'économie ougandaise. Sur un coup de tête nationaliste, il lance ce qu'il appelle la guerre économique et qui consiste à expulser toute la population indienne installée dans le pays. Des gens qui doivent être arrivés en Ouganda à l'époque de la colonisation. Et beaucoup d'entre eux possèdent d'ailleurs des passeports britanniques. Et pourquoi ? Enfin, en dehors de l'aspect stupidement chauviniste de cette mesure, ça va aboutir à une catastrophe. Parce que ces dizaines de milliers d'Indiens forment une population industrieuse sur laquelle repose 90% de l'économie ougandaise. Et d'un jour à l'autre, tout cela s'écroule. Le commerce, l'import-export, certaines activités agricoles, etc. Mais alors, que lui est-il passé par la tête ? Amin Dada a affirmé que c'était Dieu qui le lui avait ordonné. En réalité, il a voulu, grâce à cette opération, accaparer les richesses de ces Indiens. La preuve, c'est qu'en dialecte swahili, on a utilisé le mot « mafutamingi », c'est-à-dire « plein de fric », pour qualifier cette opération d'expulsion. Ah oui, c'est clair. Mais en même temps, il s'est donné à bon compte une réputation d'anti-impérialisme. Parce que pour lui et une partie de la bourgeoisie ougandaise, ces Indiens n'étaient que des suppôts de la Grande-Bretagne, des Britanniques un peu foncés, et voilà tout. Ah oui, oui. Et la communauté internationale ne réagit pas ? Non. Et Idi Amin Dada continue à manger à tous les râteliers. Les Occidentaux ne lui imposent aucune sanction et les pays arabes, ravis de lui voir adopter une politique pro-islamique de plus en plus affirmée, l'abreuvent de subsides, tandis que l'URSS lui apporte une aide militaire directe. Ce qui lui permet alors de gonfler encore un peu plus les effectifs de son armée. Et les autres pays africains alors ? À part son voisin tanzanien qui lui fait mauvaise figure, les autres ne voient rien à lui reprocher. Ils acceptent même que se tienne à Kampala la conférence annuelle de l'OUA, l'Organisation de l'Unité Africaine. Un privilège qui lui avait été refusé lorsqu'il était encore le bon élève de l'Occident. Pourtant, c'est dans ce même pays que la répression des opposants était chaque jour plus féroce. Une anecdote, mais elle est révélatrice. Lorsque Kampala était privé d'électricité, on disait que c'était les cadavres d'opposants jetés dans le Nil qui obstruaient les turbines. Les crocodiles gavés n'avaient même plus la force de dévorer cette chair humaine qui leur était offerte. Un peu exagéré, non ? À peine. Il faut aussi savoir qu'une des épouses du dictateur, coupable de l'avoir trompé, sera retrouvée proprement démembrée. Mais ne se trouvait-il pas une opposition capable de mettre un terme à ces crimes ? Elle existait, en effet, puisque Amin Dada aurait été victime d'une vingtaine de tentatives d'assassinat. Mais c'est à l'étranger, en Tanzanie, que s'étaient installés ses adversaires les plus résolus, dont un jeune homme entreprenant dont on va reparler, un jeune militant marxiste, Yoweri Museveni. L'homme qui est aujourd'hui au pouvoir en Ouganda. Mais voyez-vous, le principal ennemi d'Idi Amin Dada, c'était lui-même, parce qu'il était certain qu'un jour ou l'autre, sa mégalomanie le pousserait à commettre des fautes qui causeraient sa perte. Et ça commence, dès 1976, avec la désastreuse affaire d'Entebbe. Le détournement d'un avion d'Air France par un commando de Palestiniens, il faut le rappeler. Oui, mais enfin, je n'entre pas dans les détails, car c'est une affaire que nous avons déjà évoquée ici. Je vous rappelle simplement qu'Amin Dada accepte que l'avion se pose sur l'aérodrome d'Entebbe. Il accepte aussi que les ravisseurs, qu'il traite en héros, fassent un tri entre les passagers juifs et les autres. Ces derniers étant libérés. Et il y aura ensuite l'intervention audacieuse d'un commando israélien qui libérera les otages et reprendra l'air, non, sans avoir détruit auparavant une partie de l'aviation militaire ougandaise. Oui, il faut aussi souligner, c'est une parenthèse, que l'équipage français a été remarquable dans cette affaire. C'est vrai. Pour le dictateur, c'est un véritable désastre et une humiliation considérable. Il se vengera d'ailleurs sur une passagère juive qu'il fera assassiner. Enfin, passons. Deuxième grossière erreur. En 1978, sans doute pour donner du grain à moudre à une armée qui commence à grogner, il lance ses troupes contre son voisin tanzanien qu'il entend annexer. Et ça, c'est un nouvel échec. Ah oui, un échec fatal. Car 3 mois plus tard, le président tanzanien Nyerere se venge en envahissant l'Ouganda avec une armée de presque 100 000 hommes. Pour le Tanzanien, il n'est pas question de conquête, il veut simplement se débarrasser du fasciste noir, comme il l'appelle. Et effectivement, Idi Amin Dada va être obligé de fuir. D'abord chez son ami Kadhafi, puis en Arabie Saoudite, où il terminera douillettement sa vie en 2003. Sans jamais avoir dû rendre des comptes. Eh oui, telle est en effet la vérité. Mais je reviens un petit peu en arrière, si vous voulez bien. Dans les fourgons de l'armée tanzanienne se trouvent les opposants ougandais. Ah oui, Museveni. Mais il y a aussi Obote, le président renversé par Amin Dada. Obote qui se fera élire à l'occasion d'élections truquées. Autant dire que l'Ouganda n'est pas encore prêt de connaître la paix civile. Museveni va rapidement faire sécession, passer dans la clandestinité et constituer un maquis qui mènera la vie dure à l'armée ougandaise. Suivent quelques années où l'Ouganda est plongé dans de terribles guerres ethniques qui causent des centaines de milliers de victimes. Oui, mais Museveni va finir par gagner. Oui, en janvier 1986, il entre victorieusement dans Kampala. Ce n'est pas encore la paix, loin de là. Il existe toujours de nombreuses milices qui sèment la terreur dans les régions qu'elles contrôlent. Et puis on va voir apparaître ces sectes millénaristes qui ne sont toujours pas vaincues aujourd'hui et essaient de semer le désordre dans les pays voisins, au Soudan et même depuis peu de temps en Centrafrique. Mais je vous l'ai promis, on en reparlera la semaine prochaine, car il y a là un phénomène unique. Mais attendez, en dehors de ces violences qui perdurent, est-ce que Museveni réussit à redresser son pays ? Incontestablement, certes. Pas entendre, il n'hésite pas à utiliser la force et à réprimer. Peut-être même se sert-il de ses violences pour conserver le pouvoir et accentuer la militarisation de l'Ouganda. Mais c'est vrai, depuis l'arrivée de Museveni, le pays a connu un grand bond en avant. Et au fond, ça n'est pas très étonnant. Et pourquoi alors ? Museveni, l'ancien marxiste, a renié ses convictions et fait allégeance à l'Occident et surtout aux États-Unis. Parce que le président ougandais a compris que son pays occupait désormais une place privilégiée dans la nouvelle lutte mondiale qui s'est engagée. Quoi, la guerre contre les islamistes ? Bien sûr, et l'Ouganda lui doit en partie sa nouvelle prospérité. Pour terminer, une scène vécue qui résume assez clairement ce qu'était le règne d'Idi Amin Dada. Je l'ai trouvé dans un ouvrage, Eben, Aventures africaines, du grand journaliste polonais récemment disparu, Richard Kapuscinski. Je cite. Un jour, j'irai dans le marché de Kampala. C'était la disette. Les rues étaient mortes. Les magasins qu'Amin avait auparavant confisqués aux hindous sentaient le renfermer ou étaient condamnés avec des planches, du contreplaqué, une tôle. Une bande de gosses a déboulé d'une rue venant du lac en criant « Samaki, Samaki !» en swahili, du poisson. Aussitôt, les gens se sont rassemblés, fous de joie d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Les pêcheurs ont jeté leur proie sur une table et lorsque les gens l'ont vu, ils se sont tus et se sont figés. Le poisson était énorme et gras. Le lac n'avait jamais hébergé des espèces aussi gigantesques. Or, tout le monde savait que les sbires d'Amin jetaient dans les eaux du lac les corps de leurs victimes et que les crocodiles et les poissons carnivores s'en nourrissaient. Autour de la table régnait un silence de mort lorsque, tout à fait par hasard, un camion militaire est passé par là. Ayant aperçu l'attroupement et le poisson sur la table, les soldats se sont arrêtés, ils se sont consultés, puis ont fait marche arrière jusqu'à la table, ont sauté à terre et ouvert le haillon. Nous, qui nous tenions tout près du camion, nous avons vu sur le plancher de la plateforme le cadavre d'un homme. Nous les avons vus traîner le poisson jusqu'à la plateforme et lancer sur la table un corps sans chaussures. Puis ils sont repartis, nous avons entendu leur rire grossier, fou. À voir, bien sûr, Général Amin Dada, autoportrait de Barbette Schroeder, sorti en 1974 et récemment réédité en DVD par Carlotta Film. Et bien sûr, actuellement sur les écrans, Le dernier roi d'Écosse de Kevin MacDonald, qui s'inspire de la vie du dictateur ougandais.